La saga des Fab Four numéro 465. L'album de la semaine, c'est donc Revolver des Beatles en 1966. On écoutera Eleanor Rigby, I'm Only Sleeping, Love You Too, Day After Day. Non, c'est pas ça. Tomorrow Never Knows, Here, There and Everywhere et For No One. Il y aura également du McCartney, du Lennon, du Harrison et du Starr. Pour McCartney, ce sera Teddy Boy sur l'album McCartney en 1970. Lennon, ce sera Eh bien, well, sur l'album Plastic, Ono Band, en 1970 aussi. Quant à Harrison, il nous chantera cette si belle chanson. Donne-moi de l'amour, donne-moi la paix sur terre. Et si ça pouvait être vrai, depuis 73. C'est Give Me Love, Give Me Peace on Earth, sur l'album Living in a Material World. Ringo Starr nous chantera Bye Bye Blackbird sur Sentimental Journey en 70. Et vous avez entendu, puisque je l'ai dit sans le faire exprès, Day After Day, ce sera Julian Lennon, le chanteur invité, extrait de l'album Photograph Smile de 1998. Voilà, maintenant je vais laisser défiler le temps de mettre les chansons les unes derrière les autres, car vous l'avez bien compris, je suis à l'amour de comme jamais. Vous vous retrouvez sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. À tout à l'heure. Bisous.

il n'en peut plus, John. Well, well, well. Pas son meilleur titre, c'est certain. Une guitare tendue, presque grunge, se combine à l'une des parties de batterie les plus violentes de la carrière de Ringo, pour accompagner des vignettes illustrant la vie quotidienne de John et Yoko. Des interludes amoureux y sont décrits, ainsi que la tension ressentie par eux lorsqu'ils s'adressent au monde extérieur. Le tout menant à des hurlements sauvages. Well, well, well, well. Voilà, un truc comme ça. Dans le premier couplet, John trouve sa femme si belle qu'il pourrait la manger. C'est déjà pas terrible, mais c'est mieux que la première version qui était « She looks so beautiful, I could we ». Elle était tellement belle que j'aurais pu en pisser. Voilà. Oui, John Lennon n'était pas forcément le meilleur parolier du monde. Il y avait aussi Paul McCartney qui était très très fort. Hein? Tiens, ben justement, voici George Harrison, puisqu'on n'en parle pas, avec « Give me love, give me peace on earth » sur RIG. Up all my cares and woe, here I go, singing low, bye, bye, Blackbird. Where somebody waits for me, sugar is sweet, so is she, bye, bye, Blackbird. No one here can love and understand me. What heart

John adorait son lit. Quand il ne dormait pas, il s'y allongeait ou s'y asseyait en s'adossant sur une confortable pile d'oreillers pour écrire ou regarder la télévision. Amandley Sleeping célèbre le lit et sa valeur en tant qu'endroit privilégié pour la contemplation. Elle préfigure également la chanson Watching the Wheels sur l'album Double Fantasy en 1980. Mais Amandley Sleeping rappelle aussi que John perdait son ascendant sur les Beatles, passant la plus grande partie de son temps au lit ou à traînasser à Kenwood. C'était Paul maintenant qui poussait à la roue et s'assurait que tout le monde serait en studio pour les séances d'enregistrement. C'est également en mars 1966 que fut publiée dans l'Evening Standard la célèbre interview accordée à Maureen Cleave dans laquelle John déclara « Nous sommes plus célèbres que Jésus maintenant. Je ne sais pas qui de la chrétienté ou du rock'n'roll disparaîtra le premier. » Maureen Cleave nota également toujours dans la même interview « Il peut dormir presque indéfiniment. C'est probablement l'homme le plus paresseux d'Angleterre. » Paresseux physiquement, répondit-il, mais je n'ai pas réellement besoin d'écrire ou de lire ou de parler ou regarder quoi que ce soit. Et le sexe est la seule activité physique qui m'intéresse encore. Il y a bien de la chance. Par contre, être paresseux quand on fait deux albums par an, quand on fait des films, quand on sort des 45 tours, quand on fait des tournées, bon, en août 66, ils ont arrêté. La vie des Beatles était loin d'être une vie passée au lit. Loin, très loin. Depuis quelques temps, là, depuis une bonne semaine, que je remets tous les podcasts sur plusieurs plateformes. Notamment, vous pouvez les avoir sur Overcast, c'est celui qui devient le plus important. Dans l'Apple Store ou dans ce que vous voulez, le truc Overcast, sur les podcasts iTunes, sur Deezer, sur Spotify aussi, paraît-il. Il y a déjà 77, je crois, enregistrements de programmés avec les playlists en plus. Et j'ai remarqué quelque chose lorsque je me suis amusé à mettre tout ça en ligne. C'est que j'ai passé énormément ma chanson préférée du dernier album de Paul McCartney, celle-ci-là. Voilà, donc je me suis promis de ne plus la passer pendant un certain temps. Everybody bogey, I dig that bogey beat. I'm in that bogey river, smells so green and sweet. Everybody bogey, oh yeah.

man of a thousand voices talking perfectly loud, but nobody ever hears him or the sound he appears to make, and he never seems to notice what the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the D'accord, Paul McCartney est très bon depuis à peu près le 18 juin 1942, à peu près, à la louche, à l'heure, je sais pas trop, je m'en rappelle plus, mais oui, il est très très bon, Paul McCartney. Et savez-vous, oui, vous le savez, qu'il aurait fait un album pendant le confinement, que cet album sortirait probablement d'ici un bon mois, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus, mais à peine, et que cet album s'appellerait McCartney 3, ce qui serait drôlement rigolo, puisque en 1970, il a fait McCartney, en 1980, McCartney 2, et en 2020, McCartney 3, pourquoi pas? Il n'est jamais trop tard, il a enregistré tout seul à la maison, ce qui n'est pas étonnant, ce gars-là ne sait pas s'arrêter, ne sait pas ne rien faire. Donc, merci Paul. Et on retrouve les Beatles, l'album c'est l'album Revolver, sorti en 1966. Et voici le côté indien, hindou, je ne sais jamais trop la différence, de George Harrison, Love You Too sur RIG. On va loin, loin. Vous êtes sur RIG 90.7 ou www.rigfm.fr. C'est la radio des Beatles chaque mercredi entre 20h et 22h. Ah, c'est l'application qui. Le mot que je ne trouvais pas. L'application Overcast ou Deezer ou iTunes Podcast. Comme vous voulez, vous retrouvez la saga des Pâques Fort là-dessus. Allez voir. George Harrison a apporté ça à la musique des Beatles. Sans doute, sans George Harrison, il n'y aurait jamais eu ce côté « on va dans tous les sens ». Si, il y aurait eu, parce qu'il y avait Paul McCartney, il y aurait eu le côté « on va dans tous les sens ». Mais lui aussi a ajouté à la musique des Beatles, a ajouté à la magie. Et quelques années plus tard, en 1975, est-ce que c'est un message, me dirait Eric ? Voici une chanson qu'a chanté George Harrison, « Can't stop thinking about you ». « Je ne peux pas m'arrêter de penser à toi ». Ben, c'est subliminal, peut-être. Peut-être, peut-être. Can't stop thinking about you. Can't stop thinking about you. It's no good living without you. I can't stop thinking about you. Can't stop thinking. Est joli. Can't stop thinking about you. George Harrison sur l'album Extra Texture, Read All About It. Titre de l'album qu'il avait trouvé sur une marque de pâte. Il avait marqué la texture était super. Regardez tout ce qui concerne ça. Ouais. Mais il avait du mal à trouver des noms de chansons ou des noms d'albums. Un an auparavant, en 1974, sur l'album Goodnight Vienna, Ringo Starr nous sortait un super truc qui s'appelle All By Myself. La voici sur RG. looked out my window and watched all the people go by. I wonder what happens and who's taking who for a ride. Well, don't you know I'm bound? I'm bound to pick up the pieces and watch them land. Starting all over again. I just started smiling. I'm making myself some new friends. Don't you know I got a brand new feeling. I just can't hide. Écoutez la saga des Fab Four numéro 465. Vous êtes sur RIG 90.7 pour ceux qui ont le bonheur d'habiter du côté de Bordeaux. Pour tous les autres et même pour les Bordelais, c'est www.rigfm.fr. J'espère que vous allez bien. À partir de 22h, ce sera Eric avec une superbe émission Johnny de A à Z. Je l'écoute à chaque fois que je peux. Bon, quelquefois, il finit trop tard. Je suis obligé de dormir avant. Mais quand il finit à l'heure, ça va. Donc, ce sera tout à l'heure en tout cas. Paul McCartney a souvent été invité à faire des duos, notamment par exemple avec George Michael. Voici Heal the Pain. Si vous connaissez la chanson avec George Michael, elle est bien. Lorsque vous ajoutez à la chanson de George Michael, Heal the Pain, la voix de McCartney, le mariage des deux voix donne quelque chose de supérieur. C'est encore mieux. La voici la chanson. Your heart can embrace. Be good to yourself. yourself, 'cause nobody else has the power to make you happy. How can I help you? Please let me try to. I can heal the pain that you feel inside. Whenever you want me, you know that I will be waiting for the day that you say you'll be mine. He must have really hurt you to make you say the things that you do. He must have really hurt you to make those pretty eyes look so, so blue. Must have known that he could, that you'd never leave him. Now you can see my love is a good, and that I'm not. How can I help you? Please let me try to. I can heal the pain that you inside. Whenever you want me, à suivre sur RIG deux fois demain. D'abord Tomorrow, extrait de l'album Wild Life en 1971, et puis extrait de l'album de la semaine Tomorrow mais Never Knows. C'est sur RIG. Oh, let's go back. Tomorrow Never Knows, extrait de l'album de la semaine Revolver en 1966. Parce que Tomorrow Never Knows est la dernière sélection de l'album et l'indication la plus évidente de la musique à venir, il pouvait paraître logique de supposer qu'il s'agissait du dernier morceau enregistré pour Revolver. Eh bien non, au contraire, ce fut le premier. Les Beatles n'avaient encore jamais rien signé d'aussi étrange et expérimental. John désirait tout simplement donner un aperçu en mots et en musique de son expérience du LSD. Le titre du travail de cette chanson était « The Void », le vide. D'après une citation de Timothy Leary, « Beyond the restless flowing electricity of life is the ultimate reality, the void ». Derrière le mouvement incessant de l'électricité de la vie se trouve la vérité ultime, le vide. Le titre final est une autre des expressions de Ringo, reprise par John, pour que la première impression ne soit pas celle d'un voyage blême dans le néant. La musique s'articule autour de 16 bandes en boucle enregistrées par les 4 musiciens que l'on fait apparaître ou disparaître à volonté. L'idée fut trouvée par Paul qui faisait des expériences sur son magnétophone. Il avait un petit Grundig, explique George Martin. Il s'était aperçu que si on enlevait la tête d'effacement et qu'il réécrivait sur la bande en boucle, il pouvait saturer la bande avec un seul bruit. Il le laissait tourner pour s'ajouter à lui-même jusqu'à ce que la bande ne puisse plus rien absorber. Là, les moins de 20 ans, je pense que vous ne comprenez rien. Mais ceux qui ont plus de 40 ans, vous devez comprendre, je suppose. Il obtint un effet intéressant et alors il l'amena et nous l'a fait écouter. Pour la partie vocale, John voulait chanter comme un chœur de moine tibétain sur les sommets d'une montagne. Allez demander ça à George Martin. Ça a dû être dur, hein. Il voulait qu'on entende les mots sans l'entendre lui, raconte George Martin. L'effet final qui donne l'impression que John chante depuis le bout d'un long tunnel a été obtenu en faisant passer le signal de son micro à travers les circuits d'une enceinte Leslie. Et puis il y a des paroles quand même qui restent, par exemple « But listen to the color of your dream », Ça fait écoute les couleurs de ton rêve. C'est n'importe quoi, mais c'est du n'importe quoi poétique. C'est joli. Et voici une autre chanson extrêmement jolie. Ça s'appelle Here, There and Everywhere, les Beatles sur RIG. En fait, a voulu se glisser juste après la chanson de John parce que c'est un petit coquin. Il aurait dû arriver dans 4 chansons. Mais voilà, là, j'ai pas vu la chanson, donc c'est parti comme ça. Nous arrivons à la cover. La cover, c'est une chanson qui a pu être chantée par John, Paul, Ringo ou George, que ce soit avec les Beatles ou après la séparation. Et même si eux-mêmes reprenaient une chanson, ils faisaient la cover d'un titre de, par exemple, Chuck Berry ou quoi que ce soit. Là, dans la cover de la saga, c'est quelqu'un de connu ou pas. Ça pourrait être vous, ça pourrait être moi, on sait jamais. Ça pourrait être Eric, certainement. Eh bien, cette cover-là, j'ai un peu triché parce que la personne qui chante est très connue. Il s'agit de John Lennon. Mais c'est la seule fois, le seul exemplaire, le seul moment où on entend John Lennon chanter « I saw her standing there » avec Elton John en concert. Et je vous la propose, cet extrait de l'album Here and There, sorti en 1976, en live de Elton John. merci. Bon alors, la petite histoire, Yoko Ono était présente dans le public et ils se sont rabibochés, blablabla, etc. Mais c'est pas le sujet de ce soir, donc... et puis c'est pas important, Yoko Ono. Donc, je vous propose la suite. Vous savez, la rubrique suivante qui date de cette année, d'ailleurs. C'est bien, c'est une nouveauté. C'est la rubrique des fils d'eux, c'est des ressemblants à, c'est des... ça sonne comme, voilà. C'est pas mal hein, comme nom de rubrique, ça veut rien dire du tout. En tout cas, je vous propose... Oui, on pourrait faire un jingle. On pourrait faire... je vous propose d'écouter Julian Lennon, le fils de, justement, de John Lennon, avec extrait de l'album Photograph Smile en 1998. Voici la chanson Day After Day sur RIG. I have walked through the fire as an ordinary man. And if I die, I'll die in peace, part of all that God has planned. 'Cause I believe in you, and the best is yet to come. You've been alone, it's true. Daddy's work is never done. In my dreams, every night, I see the waves upon the sand. And you and I walk alone, and there's a ring upon your hand. Yes, I believe in you, and if my prayers are answered now, I'm coming back to you. I'm gonna find a way somehow. I'm making my way. Each morning I pray for you. I want to be. And love is war, and war is cold, when you're so far across the sea. Still I'm alive, still in love. I hope this letter finds you well. Through the blood, through the flames, I can hear those wedding bells. RIG 90.7, la radio des Beatles. Ladies and gentlemen, the Plastic Ono Band! Toronto welcomes the Plastic Ono Band. Toronto, Broward Walker presents the Plastic Ono Band. Give peace a chance. Give peace a chance. That we know, you know, because we've never played together before. Well, it's a 1 for the money, 2 for the show, 3 to get ready now. Go, get, go, don't step on my stage. Well, you can do anything behind. Down, tread on my face, signing my name all over the place. Do anything that you wanna do. Honey, lay off them shoes, don't you? Put my boots with you. Well, you can do anything, lay off of them boots with you. Drink my liver from the old fruit jar. Do anything that you want to do. Honey, they have to let you. Don't you? For my persuasion. Well, you can do anything. Really hard for them to persuade you. Vous avez été au courant que j'ai un petit peu raté la programmation. On a entendu dire Yoko Ono, machin truc chouette. Je suis désolé. Voici Hong Kong Blues, George Harrison sur RG. C'est de 1981 sur l'album Somewhere in England. Et dans un paquet de minutes, ce sera Eric et ses invités pour le fantastique Johnny de A à Z. It's a story. Down in Hong Kong, he got 20 years privilege taken away from him when he kicked old Buddha's gong. Now he's hopping the piano just to raise the price of the ticket to the land of the free. Well, he says his home's in Frisco, will they send the rice? But it's really in Tennessee. That's why he said, I need someone to love me. I need somebody to carry me home to San Francisco and bury my body there. I need someone to lend me $50 bill, man. I'll leave Hong Kong behind me for happiness once again. Somebody believe I'll be in to see that day again. Every time I try to leave, sweet opium won't let me fly away. I need someone to love me. I need somebody to carry me home to San Francisco. That's the story of a very unfortunate colored man who got arrested down in old Hong Kong. His privilege taken away from him when he kicked old Buddha's gun. Retournons sans arrêter la musique du côté de Ringo Starr. En 1977, sur un album qui est assez mauvais, il nous sort quelque chose de bien quand même. It's No Secret. L'album s'appelle Ringo the Fourth. C'est doux, c'est calme, c'est tranquille. C'est des bisous partout, c'est de la tendresse. C'est Ringo Starr sur la régie. Gonna feel brand new, 'cause you.

Évidemment, certains diraient « Oh oui, ça c'est si repeux, donc c'est McCartney forcément. » Ben non, c'est Lennon. Oh, comme quoi, Lennon le rocker, oui, il pouvait. Mais il pouvait aussi faire du sirupeux, comme cette chanson « Goodnight » qu'il avait écrite pour son fils Julian. Et c'est chanté par Ringo, parce que je pense que John n'aurait pas voulu chanter cette chanson-là, probablement. Mais en tout cas, c'est très joli. Et comme McCartney, qui est sirupeux, si vous voulez, moi je dirais juste génial, mais lorsqu'il fait du rock, il fait du très très bon rock. Donc on ne peut pas dire John Lennon le rock, McCartney les ballades. Non, c'est pas vrai. L'inverse est valable aussi. Et puisqu'on parle de Paul McCartney, voici une chanson que vous aimez beaucoup, qui est extraite de quelque part, en 1977. C'est Waterspout sur LG. Answer. You

Avant de retrouver l'infatigable Eric pour son émission Johnny de A à Z, voici le dernier titre de Ringo Starr, You've Got a Nice Way. Comme quoi, dès 1981, il revenait du bon côté de la force, Ringo Starr, avec un bon album. Écoutez. Wasn't too long ago, I was dying of an empty heart. When you get lonely, get so easy to fall apart. Looking for trouble soon as it would start. Then there was you there, loving me, waiting for me to get smart. You got a nice way of believing in me. You got a nice way of telling me so. Smile. Back a few years ago, I was blind, now I can see 4 miles. Baby, you saved me, loving me, will you stay for a while? D'avoir écouté cette 465e édition de la saga des Fab Four. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres aventures. Et je sais que je vous laisse entre les mains du maître, Eric, dans quelques instants pour Johnny de A à Z. À très bientôt. Salut, ciao.